Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pièce que vous allez voir ce soir est un des chefs-d'œuvre du théâtre élisabétain. Le théâtre élisabétain, comme son nom l'indique tout simplement, c'est le théâtre que l'on jouait en Angleterre au temps d'Élisabeth, sous le règne d'Élisabeth la première et dans les années qui ont suivi immédiatement. C'est la période la plus brillante du théâtre anglais. L'auteur le plus connu, c'est évidemment Shakespeare, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais autour de Shakespeare, il y a eu un grand nombre d'écrivains plus ou moins connus, soit Marlowe, soit Ben Jonson, soit Beaumont et Fletcher, et d'autres encore. John Ford, l'auteur d'Un cœur qui se brise, est un contemporain et un successeur immédiat. Nous perdons sa trace, nous ne savons pas bien quand il est mort, nous perdons sa trace en 1639. C'est un successeur immédiat de Shakespeare, un des héritiers de sa tradition et de sa poésie. Ce théâtre élisabétain est un théâtre que l'on peut caractériser très sommairement au départ en disant qu'il présente un mélange unique, une association étroite de poésie populaire et de poésie savante. Dans toutes les pièces de cette époque, nous allons trouver un langage qui est un langage fleuri, un langage de cour, d'hommes civilisés, d'hommes cultivés, et à côté de ça, un langage populaire, un langage grossier, avec des mots parfois choquants. Une part de préciosité, une part de vulgarité, c'est ce qui est uni d'une façon à peu près indissociable dans ce théâtre. Et c'est à cela, je crois, que vous devez faire attention d'abord, parce qu'il faut ne se laisser ni fatigué par ce qu'il peut y avoir d'un peu précieux, ni dégoûté par ce qu'il peut y avoir de trop rude dans ce langage, il faut le prendre ainsi comme l'expression même d'une société et d'une société étonnamment vivante. Cette façon de présenter le théâtre élisabétain par rapport à son époque peut paraître un peu bizarre, puisque la pièce « Un cœur qui se brise » est une pièce qui se situe théoriquement, en principe, dans la Grèce antique à Sparte. Vous entendrez en effet que les noms d'un certain nombre de personnages ont volontiers une résonance de noms antiques, de noms empruntés à l'histoire de l'Antiquité. Cependant, vous allez voir la pièce de John Ford, non dans un essai de reconstitution de costumes antiques, mais dans des costumes de la Renaissance, d'une Renaissance anglaise ou d'une Renaissance italienne. Je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut bien retenir et qu'il faut accepter aussi pour bien comprendre le spectacle. Lorsque Shakespeare, lorsque d'autres auteurs de cette époque transportent l'action de leur comédie ou de leur tragédie dans une Grèce de fantaisie ou dans un pays d'une géographie un peu imaginaire. On a beaucoup reproché à Shakespeare, ça fait ses fantaisies géographiques. Lorsqu'ils font ça, je crois que ce n'est pas simplement un caprice, mais que cela obéit aussi à une certaine préoccupation morale. Ils essaient, si vous voulez, de trouver un pays, de trouver un cadre qui jouisse d'une certaine exterritorialité par rapport à la religion chrétienne et au monde chrétien. Nous sommes dans une Angleterre encore agitée, les luttes religieuses sont à peine apaisées et on ne peut pas savoir pour combien de temps. Quelques années après Le cœur qui se brise, d'ailleurs, le puritanisme interdira les représentations théâtrales et tuera ainsi cette grande génération de dramaturges, pour ainsi dire, dans l'œuf. Dans cette Angleterre-là, il est peut-être prudent de reprojeter l'action dans un monde où ni l'autorité de l'Église, ni même la morale du christianisme ne peuvent être mis en question, de la projeter dans un monde ancien où la passion reprend tous ses droits. Le théâtre de John Ford est un théâtre de passion, un théâtre de passion et un théâtre d'honneur, et cela compte beaucoup plus pour tous les personnages que vous allez voir que le sentiment du respect de la vie, par exemple, ou le sentiment de la conservation. S'il y a des mots qui peuvent choquer, il y a aussi des actions, des traits de caractère qui peuvent paraître désagréables ou qui peuvent paraître choquants. Il faut les prendre, n'est-ce pas, dans cette perspective d'une morale quasiment païenne de la passion et de la volonté. Voilà ce que la pièce va vous montrer maintenant. Un théâtre d'intrigue, un théâtre de passion, dans une langue qui est à la fois une langue cherchée et une langue populaire. C'est aussi, en même temps que théâtre d'intrigue et théâtre de passion, un théâtre psychologique extrêmement serré. Un des livres les plus fameux de l'époque, que John Ford avait certainement lu, c'est « L'anatomie de la mélancolie » de Richard Burton. Vous voyez le titre et le côté de préciosité qu'il peut y avoir déjà d'indiquer là-dedans. Bien, c'est un peu de la même manière qu'il faut prendre, je crois, la pièce que vous allez voir. Vous faut l'apprendre un peu en changeant ce qu'il faut changer, bien sûr, à la manière d'une émission presque médicale. Vous allez descendre à l'intérieur du cœur. On ne va pas vous montrer des personnages dont le cœur se brise, mais on va essayer de vous faire descendre à l'intérieur du cœur humain. Lorsque la caméra d'Alain Boudet ira chercher un visage dans un coin, une expression fugitive parfois, ne vous étonnez pas et ne croyez pas que c'est un détail superflu. C'est une manière de vous indiquer le début d'une lézarde, si vous voulez. Le point où le personnage va peut-être être craqué parce que la pression de l'amour, la pression de l'honneur est trop grande et risque de mettre en danger son existence même. Il y a là une recherche psychologique, un éclairage du texte par la caméra qui me semble extrêmement précieux et qui est une nouvelle manière de présenter le théâtre élisabétain. Théâtre tout de simplicité, dont on nous a souvent dit, absence de décor, une pancarte indique un château, une forêt, rien du tout. Mais ce théâtre très ancien et très simple, vous allez voir qu'il s'accommode très bien des recherches les plus perfectionnées de la technique moderne et de la télévision. Centre du palais. Les appartements sont disposés autour en zone concentrique. Un factionnaire monte la garde à la porte du conseil du roi. La princesse Kalanta, fille du roi Amyclas. Ses caméristes autour d'elle. Elle écoute attentivement le récit que lui fait Alcibiade. Une guerre victorieuse vient de s'achever. Euphranie y porte plus d'intérêt que ne le voudrait sa fonction et sa jeunesse. Le général victorieux Hitoclès rejoint le palais avec ses lieutenants. Sa sœur, Panthée, a voulu le voir sans être vue. Mais elle a des gardiens. Vigilants. Et un vieil époux soupçonneux, le riche Bassanès. Orgel, l'ancien amant de Panthée, s'apprête à quitter la ville. Il fait prévenir son père de son départ. La joie du roi éclate sur son visage. De même que sur celui de ses conseillers Armostès et Ménon. C'est décidé, tu pars. Oui. Athènes? Et tu ne veux toujours pas me dire pourquoi. Mille raisons. Mais donne-moi une. Une bonne. Tu ne vas pas devenir philosophe à ton âge ou homme politique. C'est vrai. Encore que la philosophie me ferait plutôt du bien en ce moment. Ta jeunesse et ce que je sais de toi ne te préparent guère aux études sérieuses. C'est vrai. Alors, une femme ? Enfin, dis-moi la vérité. Tu connais l'une et l'autre. La femme et la vérité. Panté ? Il faudra murer cette fenêtre. Entendu ? Il faudra murer cette fenêtre. Oui, monsieur. De la rue, on voit tout. La luxure entre par là et vient s'achever ici. Ce sera fait, j'appelle mon maçon. Ton maçon ? Oui, monsieur. Alors c'est quelque chose que tu as préparé ? Qui est ce maçon ? Un voyou, comme toi. Un peu receleur, un peu entremetteur. Tu connais mes secrets, ils en connaissent d'autres. Qu'en font-ils ? Ce que tu en fais toi-même, peut-être. Porteur de billets, arrangeur de rendez-vous. Je te couperai le cou, tête de chien malade. Je te fais une boutonnière au ventre au premier billet destiné à madame que je flaire dans les couloirs de la maison. Tu m'entends ? Chaque pli de mon vêtement est un œil, monsieur. À votre service, je ne suis que regard. En ville, les femmes se vendent en solde. Pour une robe, pour un manteau, elles donnent tout. Elles viennent s'essuyer la bouche sur la peau de leur cocu de mari. Et on recommence. Mon chéri, et on embrasse, et on essuie, et on embrasse. Et ces vieux débris n'osent même pas tâter leurs cornes. C'est un triste monde, monsieur. On n'est même pas libre de son bien. Ce n'est pas mieux à la cour. L'imbécile qui sent les honneurs, les titres, les rentes s'accumuler sur sa tête ne voit pas que cela est fait pour cacher ses cornes. Ou alors il le voit, s'y plaît et en redemande. Pauvre mère, saignée à blanc par ses louages sans contrat. Chez les paysannes, c'est encore plus simple. Sur leur bonne balle réjouie, qui peut lire ce qui s'est passé ? Elles sont toutes les mêmes. La femme qui ne trompe pas a trompé. Ou trompera. Quelle nouvelle en ville ? Des choses bizarres, monsieur. Eh bien, dis-les, bourrique. On dit que la barbe du roi est devenue rose. Avec des reflets verts. Idiot! Pardonnez-moi, monsieur. Il paraît que, depuis le retour du général Itoclès, les lions du jardin royal n'ont pas cessé de rugir. Et que les ours se sont bien dansés. Va te promener avec tes histoires stupides. On prétend aussi que, s'il plaît à monsieur de tout entendre, Corgel a quitté Athènes sur un dragon de feu. Et que nul ne sait ce qu'il est devenu. Mon voyage. On assure enfin qu'une loi va autoriser sous peu les femmes à demander le divorce quand elles pourront prouver que la jalousie du mari est sans fondement. Assez de bêtises. C'est une femme qui m'en a parlé. Tes âneries me mettent hors de moi. Va-t'en. Pourquoi faut-il que la beauté évoque toujours l'image du péché ? joie de mon cœur. Elle n'est pas joyeuse, la joie de votre cœur. Tais-toi, vieille pie. Vous attendez, mon cœur, que votre frère est revenu, glorieux, triomphant, sain et sauf. Il faudra le voir. Nous devrons aller à la cour. Pour une pareille circonstance, vous devez faire un effort. Vous êtes la plus riche, la plus belle. Vous éclipserez toutes les femmes. Voulez-vous? Vous serez la reine de la fête. Et cela ajoutera au triomphe d'Hitoclès. Panthée, mon amour, que puis-je faire pour chasser les nuages qui assombrissent l'azur de vos yeux? Une nouvelle robe? Un nouveau bijou? Vous ferez ce que vous voudrez. Voilà parler, monsieur. Prenez monsieur au mot, madame, et vous retrouverez le sourire. La vie est courte. Je n'ai pas envie d'aller à la cour, d'y compromettre ma réputation par un luxe qui n'est ni de mon âge, ni de ma condition. S'il en est qui rêvent d'être admirés pour leur parure, je leur laisse ce plaisir. Un sourd n'entend pas la musique. Moi, je n'entends pas le monde. Mes vêtements sont à l'image de mon âme, c'est ainsi qu'ils doivent être, quand on veut rester honnête. Accordez vos paroles à vos sentiments, c'est tout ce que je vous demande. Mon bonheur ne vole pas plus haut que mon espérance. Vous trouvez peut-être la maison trop sombre? Voulez-vous que nous nous rapprochions des jardins du palais? Mon île! Voulez-vous que nous allions vivre dans mon île? C'est calme. J'en suis le maître, vous en serez la reine. J'irai où vous voudrez. Tous les chemins se ressemblent. Ne dites pas oui, madame. Une île? Mais c'est une prison que monsieur propose à madame. Ah, ça fait une belle compagnie pour une jeune femme. Des crabes, des mouettes, des rats. Moi, en tout cas, je n'irai pas. Qui te demande ton avis, vieille maquerelle? Panthée, mon amour, ne sois pas triste. Cela donne des rides. Si tu n'aimes ni le monde, ni la solitude... Il vaudrait mieux nous mettre à la casserole tout de suite. Je t'écrase, garce. C'est curieux. Le vent du sud me bouche les oreilles. Je te ferai un palais. Oh! À propos, que dirait monsieur d'un joli petit bébé que lui donnerait madame? Je te ferai couper en rondelles. Oh, sacré vent du sud, je n'ai pas entendu la réponse. Cela ne serait-il pas joli, un petit gars dans la maison? Tu es folle, Grosis. Je suis au supplice. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Le lieutenant Alcibiade demande à parler à madame. Il est seul? Oui. Fais entrer. Vous ne m'avez pas demandé si je voulais. Et c'est pour toi qu'il vient. Tu ne vas pas lui refuser ta porte? Je voudrais pouvoir dire oui ou non toute seule, quand c'est de moi qu'il s'agit. Soyez le bienvenu, lieutenant. Je viens de la part de votre frère, madame. Vous êtes le bienvenu. Je viens vous chercher. Il est désolé. Il aurait voulu que vous fussiez la première à l'embrasser. Comment est-il? Les dieux le gardent, vous le savez. Mais quelque chose lui manque, et je crois que c'est vous. Si la santé de ma femme l'avait permis, nous n'aurions pas attendu l'invitation. Es-tu en état d'y aller tout de suite, ma chérie? Ne perdons pas de temps, Alcibiade, je vous suis. Quel jeu joues-tu? Pourquoi te mets-tu en travers de mes projets? Tu me le paieras. On a raison de dire que la jalousie fait perdre la tête. Comment voulez-vous que je la surveille si elle n'a pas confiance en moi? Qui trompes-tu? Elle ou moi? Pourquoi me payez-vous? Je ne suis pas une débutante, laissez-moi faire. J'espère que je ne suis pas ta dupe. Mais espère-le aussi. Ma vie dépend de ton adresse, mais la tienne aussi. File! Ne la perds pas de vue! Une fois que l'ambition s'est mise à vous dévorer le ventre, elle se faufile comme une vipère sans connaître ni loi, ni morale, ni mesure. Je monterai jusqu'à ce que je tombe, comme une fusée qui s'allume dans l'air, explose et s'évanouit en fumée. Les vertus morales sont bonnes dans la vie quotidienne, mais que peuvent-elles guérir dans un cœur que le désespoir a brisé? La raison ne peut rien contre les fièvres rebelles. C'est d'un autre remède que j'ai besoin, qui frappe vite et fort. Vous butez sur un détail sans importance. Vous reconnaissez le mérite d'Alcibiade. Pourquoi votre fils serait-il dans notre avis? Est-il votre tuteur? La tutelle d'un serment est plus forte que celle d'un père. Voulez-vous que le roi lui commande de rentrer? Je l'ai mis au courant, il le fera. Cela a été convenu entre Franny, Orgel et moi. Je ne sais pas si le roi n'a pas déjà écrit. Pour moi, le désir du roi est un ordre, mais... Ce mariage rétablit l'entente entre nous. Alcibiade n'est plus que mon ami, c'est comme s'il était de mon sang. Vous ne me croyez pas, hein? Écoute, Itoclès. Dites votre pensée. Je pense que tu es sincère. Mais si tu avais toujours pensé ce que tu dis, Orgel ne serait pas en exil aveuglé par le chagrin, et ta sœur ne serait pas perdue pour nous tous, ensevelie dans les draps d'un vieillard. Si ton père avait vécu, Armostès le sait bien. Laissons dormir les morts et n'en parlons plus. Vous n'avez rien oublié. Il me retourne le fer dans la plaie, mais je le mérite. Une jeunesse irréfléchie, impulsive, des ambitions désordonnées, des rêves puérils de grandeur, un esprit aussi instable que le vent sont une explication, plus qu'une excuse. Je ne connaissais pas la secrète exigence de l'amour. Ma faute est là, pas ailleurs. Elle est grande, je le sais. Je ferai n'importe quoi pour réparer. Que voulez-vous de plus? Je ne peux rien vouloir de plus. Quoique le malheur ne soit pas réparable, si Euphranie dit oui, je pense qu'Orgel l'approuvera. Ma fortune, mon crédit, mon bras, mon cœur, tout ce que j'ai est à vous. Regardez qui arrive. Je vous présente une nouvelle venue à la cour, général. N'est-elle envie qu'elle a eue de revoir son frère, nous ne connaîtrions même plus son visage. Votre grâce et la bonté même. Quand on a le mérite et le bonheur d'être au service d'une princesse aussi aimable, Panthée, on ne doit pas tout garder pour son mari. C'est lui qui t'enferme dans ta maison. Elle est libre de son temps, mais elle ne se plaît que chez elle. Nul ne s'est plus réjoui que nous de ton succès. Et si Panthée n'avait pas été malade, nous aurions été les premiers à te féliciter. Tu étais malade? Tu sais très bien de quoi dépend de mon bonheur et ma santé. Bien répondu! J'insiste à mon tour, mais non, pour que vous accordiez ce que tout le monde souhaite. Pour moi, madame, c'est fait. Il manque l'accord d'Orgel. Un malheur suffit. À moi, il ne refusera pas. Sa Majesté souhaite la présence de votre Altesse. La vôtre aussi, mon général. Allons. le prince d'Argos. Le prince d'Argos vient de franchir les portes du palais. Le roi désire sûrement que nous soyons tous là pour accueillir le prince. Dans une heure près du jardin. Viens seul. C'est important. Seul? Pourquoi seul? On a des secrets pour moi. Pourquoi la musique des sphères ne ferait-elle pas danser votre âme aussi bien que toutes les âmes qui dansent avec les dieux? Allez-vous-en. Mais le ciel peut-il purifier notre condition mortelle? N'est-ce pas plutôt la beauté parfaite qui purifie le ciel? Les siècles même ne pourraient graver le mot déshonneur sur le front de l'innocence. Tournez donc vos yeux, foyer d'un amour pur vers les flammes du foyer d'Estia où se consument les cendres de la fidélité. Le plaisir n'est qu'un rêve s'il se nourrit de la vue d'aimer, tandis que leur saveur est refusée au corps et l'amour n'est pas mieux partagé qu'on arrache à la foi jurée. Même le sort le plus déplorable ne peut altérer l'image d'une âme qui n'a pas changé. Allez-vous-en. Votre langue est ensorcelée. Elle vive sans le vouloir une souffrance que je ne peux supporter qu'en l'oubliant. Laissez-moi. Tu dois au moins savoir qui tu chasses, Panté. Malheureux, qui risque ta vie pour me déshonorer. Je t'avais reconnu. Reste. Je le jure, par les dieux qui ont reçu mon serment, mon cœur est resté avec toi. Mon corps est captif d'un autre. Et je serai fidèle à l'un et à l'autre. Que veux-tu de plus? La pensée d'une défaillance ne m'est jamais venue. Qu'espères-tu? Ce que j'espère. Mais demande-moi plutôt comment j'ai survécu au mal qu'on m'a fait. Ton cœur n'est pas de pierre, tu m'as dit qu'il n'a jamais cessé d'être à moi. Pense à nous, Panté. Donne-moi tes mains. Que pouvons-nous de plus? Je voudrais que tu sois ma femme. Éloigne-toi. Sinon, je n'oserais pas te parler. Les dieux savent que j'étais à toi. Et quelle violence on m'a faite. L'amour que j'ai pour toi ne finira qu'avec ma vie, bientôt. Tu étais digne de l'amour que je te garde. Tu m'as épargné les paroles, les gestes qui auraient mis mon honneur à l'épreuve. Merci. Merci, mon amour, de n'avoir douté ni de ma constance. Ni de ma fermeté. Ne change pas. Je ne peux rien pour toi. Mais je sais de quel bonheur je suis déchue. Et je trouverai maintenant un peu de consolation dans l'étendue de mon malheur. Vis, toi. Vis heureux, tu le peux encore. Et tes enfants, à ton image, ne m'oublie pas. J'espère que tu pourras tout dire à ta femme et qu'elle plaindra mon malheur. Maintenant, pars. Après ce qu'elle vient de me dire. arpenter la femme d'Orgel pour l'éternité. Jamais. Elle aura pitié de son malheur. Jamais. La jeune fille que tu méritais était souillée par un autre. Tu n'auras jamais ses restes. Ça m'est égal. Cela ne doit pas t'être égal. Je n'aurais pas voulu de toi sortant des bras d'une autre. Si je devenais veuve, j'aimerais mieux épouser n'importe qui que de devenir ta femme. Tu joues avec mon cœur, mais tu ne m'échapperas pas. Prends garde. Si un geste, si un mot de toi devait me prouver que tes serments d'hier, en parlant de respect, ne pensaient que désir, il ne me resterait qu'à pleurer le jour où je t'ai cru. Et je comprendrais pourquoi tu n'as trouvé qu'un masque pour m'abuser. C'est toi que tu aimais. Non, la femme que je suis. J'épargne ta vie, mais n'en sois pas fière, car tu as tout sali, même mon chagrin de t'avoir perdu. Si tu as jamais eu un peu d'estime pour moi, n'ajoute pas un mot et ne me revois jamais. Tu m'accuses de duplicité? J'entends du bruit, mon frère va venir, éloigne-toi. Je vais arracher le masque panté et cesser d'être habile. On saura qui je suis. Mon pauvre bien-aimé, qui n'est plus que l'ombre de celui que je pleure. Il ne sera plus maintenant que l'ombre de cette ombre. Plus on est tenté de faiblir, plus il faut être brutal pour résister. Je crois que votre frère vous attend. C'est moi qui attends. On a dû le transporter et l'étendre. Il est souffrant. Un malaise, des excès de table, sans doute, cela passera. À quoi bon? On veut prolonger la vie, se reposer. Il n'y a qu'un repos, une durée. La mort. Voilà une philosophie pleine de sagesse. Qui nous oblige à être toujours en règle pour le jugement. Qui est là? Alcibiade, veille à ce qu'on nous laisse seuls. Itoclès voudrait être seul. Itoclès. C'est la moindre des choses. Nous avons été élevés ensemble et nous vivons comme des étrangers. Il aurait mieux valu que le premier coussin qui m'a reçu m'étouffe au lieu de me servir d'oreiller. Il aurait mieux valu. Tu as raison d'être dur. Aujourd'hui, je sais ce que tu souffres. L'amour me brise le cœur À mon tour. Qu'il ne se brise pas trop vite. Qu'il connaisse un peu la flamme qui dévore sans réchauffer, le désir sans espoir. Je le connais. Mais ce n'est pas à cause de moi. Tandis que par ta faute, je suis condamnée à un veuvage contre nature. Je connais aussi ce tourment qui ne fait ni vivre ni mourir. Si tu sais ce que c'est, tu devrais me tuer. Me débarrasser ainsi d'un mari jaloux. Il te traite mal ? Tu sais ce que tu as fait de moi. Je couche pour son argent avec un homme que je n'aime pas. Je me refuse à celui qui avait des droits sur moi. Je suis une putain. Pas par goût, mais en fait, je ne suis pas autre chose. Qu'en pense Orgel ? Il pense que je vis en adultère public avec Bassanès alors que je suis sa femme. Ne tuerais-tu pas ta sœur si tu savais qu'elle fait la putain ? Crois-tu que nos parents ne se sont pas retournés dans leur tombe quand tu as déshonoré leur nom par ce marché ? Le monde me croit victorieux. Et je trouve le désastre dans ma maison. Je me suis mal conduit avec toi. Mais ta dignité est admirée de tous et respectée. C'est parce que je connais cette vertu que j'ose te demander ton aide. Je ne veux rien faire pour toi. Je ne vivrai sûrement pas vieux. Il me serait insupportable de mourir sans que tu me pardonnes. L'amour t'a si profondément blessé. C'est de cela que je meurs. Qui aimes-tu ? Je n'ose pas me l'avouer à moi-même. Alors pourquoi m'en parles-tu ? Dis-moi son nom. Tu en meurs d'envie. C'est vrai, mais je n'ose pas. Je ne crois pas à tes scrupules. Personne ne nous écoute. C'est Calanta. La fille du roi. La fiancée du prince d'Argos. L'héritière du trône. Te venger. Si tu veux, rapporte-le au roi, personne ne le sait encore. Même Alcibiade ? Surtout pas lui. Et la princesse ? Je ne lui ai rien dit. Crois-tu qu'elle t'aime ? Je voudrais que tu essaies de le savoir. Quand le prince d'Argos te l'enlèvera, tu commenceras à me comprendre. Tais-toi. Sûr de sang me monte au visage quand je pense au mal que je t'ai fait. Nous voilà de nouveau frères et sœurs, par le sort plus que par la naissance. Je vais t'aider. Pour toi, il n'est pas trop tard. Il n'y a que toi qui puisse agir assez vite. Si ma tête n'est pas trop affaiblie, je ne suis plus bonne à rien, tu sais. Je trouverai un moyen. Tu verras, Calanta. Et je la convaincrai. Bas les pattes ! Si nous ne voulons pas nous faire transpercer. Vous me prenez pour une bourrique. Vous avez tort de prendre ma patience pour de la complaisance. Mais il est fou! Qu'est-ce qui vous a encore blessé? N'approchez pas, madame! Avec cet engin au bout du bras, il est capable de n'importe quoi. Je suis d'un sang qui ne se laisse pas éblouir par la gloriole! Un peuple aussi écervelé que vous peut bien vous élever jusqu'au ciel, vous placer au rang des dieux, vous asseoir dans le char du soleil. Je ne suis pas de l'argile dont on fait des statues! Vous vous figurez pas que je vais faire le guet derrière la porte pendant que vous tenez conseil pour vous prévenir d'un coup de sifflet quand l'indiscret s'approche? Je veux croire que vous êtes ivre, monsieur. Ivre? Tais-toi, blanc-bec. Les belles manières peuvent servir à cacher la luxure tant que l'impudence ne lui tient pas compagnie. Mais ta morgue, la fougue un peu jeune de ta renommée, ne te donne pas le privilège de me déshonorer. La jalousie l'aveugle. Il ne sait plus de quoi il parle. Mais je sais très bien de quoi je parle. Et à qui? Espèce de cochon qui te vautre dans l'inceste. Ose frapper un vieillard. Je le raconterai à tout le monde. Il y a moins de honte à le dire qu'à le faire. Je voudrais dire un mot. Qu'ai-je fait pour mériter une pareille injure? Enfermée comme je suis. Je n'ai pas vu mon frère depuis des mois. Je tiens ma maison sans me plaindre. Et c'est vous qui m'avez demandé de venir avec vous. Pardon. Ne brise pas un cœur que tu as blessé, lumière de ma vie. Je suis fou d'affronter ta beauté comme une ennemie, alors que tu n'as qu'à paraître pour me guérir. Ah, si j'étais aussi certain de te garder que je le suis de t'aimer. Je veux bien que tous les maux du ciel me foudroient à vos pieds. C'est la moindre pensée coupable a troublé mon esprit depuis que vous m'avez fait entrer dans votre lit. Ne le rassure pas, Ponté. Au contraire, parle, créature merveilleuse. Tes paroles me ravissent. Brave bête, va. Demandez pardon. À genoux. Oui. Pourvu que la pénitence ne soit pas trop impitoyable. Quand vous serez revenu des sentiments plus traitables, quand votre passion sénile ne sera plus en proie aux fantômes, quand vous aurez à nouveau votre tête sur les épaules, j'autoriserai cette femme, qui est votre femme, je ne l'oublie pas, et qui est ma sœur, ne l'oubliez pas non plus, à regagner le domicile conjugal. Jusque-là, elle est sous ma protection. Arrachez-moi le cœur, mais laissez-moi le sien. Je n'ose pas. Et toi, Ponté? Moi, je n'ai rien à dire, n'ayant rien à me reprocher. Où la conduisez-vous? Chez Alcibiade, elle est en sûreté. Pucelle inaltérable, reste donc où tu es. On n'a que faire de tes services. Je la verrai. Je lui parlerai. Vous ne pouvez pas vous en passer, hein, pour réchauffer vos vieux os. Elle jure qu'elle est fidèle. Mais elle dit la vérité. J'ai été ignoble avec elle. Et avec son frère, donc. Je suis content de te voir. Comment déjouer les pièges de la jalousie? Tu ne peux savoir comme ton retour me fait plaisir. J'ai besoin de parler sérieusement avec toi. Je veux redevenir ton ami. Ne ris pas, je le désire vraiment. Tu comprendras pourquoi. Quand un général commande, le soldat doit se faire tout petit. Il Viens avec nous. Où allez-vous? Chez le roi, à la réception du prince d'Argos. Nous trouvons que ce mariage tarde trop, Alcibiade. Il nous plairait de traiter le prince d'Argos selon son mérite. Donner quelques fêtes en son honneur. Et votre mariage en serait le prétexte rêvé. Je suis aux ordres de votre majesté. Voici l'homme de qui dépend la décision, sire. S'il vous plaisait de répandre sur lui votre bienveillance. Cher Orgel, cher exilé, puissions-nous vous servir comme vous nous servirez. Et pour vous donner une preuve de notre bienveillance, nous vous commandons de trouver, dans votre intelligence que nous savons fertile, le secret d'une fête inédite pour rehausser les cérémonies. Votre Majesté m'honore. Vous paraissez un homme fort attendu, Orgel, et fort désiré. Il est vrai que vous avez de qui tenir. J'espère justifier au service de votre Altesse l'opinion qu'elle a de moi. Prince, Orgel est le frère de Franny. C'est un homme de mérite. Je salue volontiers l'objet d'une si précieuse considération. Allons nous préparer au plaisir. Un jour de noces est comme Phébus à midi. Il disperse les humeurs sombres. Qu'une joie générale couronne cette journée. Nous ne voulons d'autres bruits que ceux de la musique. D'autres spectacles que celui du bonheur. Reconduisez-moi, s'il vous plaît. Ne vous donnez pas cette peine, c'est le vainqueur de Mécène qui m'emporte. Je lui dois cette distinction. Es-tu revenu si vite? C'est un reproche. Le message du roi n'a pas eu le temps de t'atteindre. Non, mais une épidémie menace Athènes. Une épidémie? J'espère que ce n'est pas la rage. Tu as entendu le roi? Que décides-tu pour Euphranie? Alcibiade est un homme de mérite. Je n'oublie pas de qui il est l'ami. Il me semble qu'Itoclès te reçoit bien, tu dois lui tendre la main. Bon, ça, je lui baise les pieds si tu veux. Ce n'est pas parce que je veux. C'est pour éviter notre perte à tous. Orgel. Il paraît que tout dépend de toi. Veux-tu permettre à mon ami Alcibiade de prendre pour légitime épouse ta sœur Euphranie? Ma sœur Euphranie, tu m'as juré de ne recevoir un époux que de ma main, et moi je jure que tu n'en recevras pas d'autre que celui-ci. Tu as une idée pour la fête? Oui, mais j'aurais besoin du concours de tout le monde. Compte sur moi. Sur nous tous. Je suis bien content. Du devoir accompli. Vous vouliez me voir. Nous sommes seuls et vous ne dites rien. Oui. Merci, madame. d'avoir bien voulu me recevoir. Vous pouvez me voir quand vous voulez, Panté. Qu'avez-vous? Il me reste peu de temps à vivre, je le sens. Le sablier est presque vide. Il faut le retourner. Je n'en ai pas la force. Vous vous complaisez un peu dans votre ennui? Non. La vanité a flatté ma jeunesse un moment, mais j'ai vite vu que ce qu'on appelle les plaisirs de cette vie ne sont qu'image avant d'être poussière. Celle que j'ai goûtée en toute malfinie. J'ai cru à la beauté, à l'amour, au bonheur. Mais qu'on est seul et sans appui quand une passion déréglée s'est emparée de notre esprit. Où voulez-vous en venir avec vos funèbres considérations? À mettre sous vos yeux le fidèle miroir d'une vie dont même les meilleurs moments ont été pitoyables. Vous avez des raisons de vous plaindre. Mais pourquoi désespérer? Mon espérance, madame, elle n'est qu'un linceul dans un cercueil plombé enfoui dans un désert. Mais pardonnez-moi d'abuser de votre temps. J'avais une requête à vous présenter. Une requête, grand Dieu? Je vous écoute. Quand je serai morte, je vous supplie de disposer du peu que j'ai selon la charité et la justice. Voilà une étrange requête. Vous m'ennuyez avec votre tristesse. Vous me rendez triste, moi aussi. J'avais pleuré tout à l'heure. C'est peut-être ainsi que vous pourrez le mieux m'entendre. Mon testament est écrit, mais voici ce qu'il contient. Je n'ai en propre que 3 bijoux de prix, car le chagrin a ruiné ma vie. Ma jeunesse... Et vous entendez la léguer? En exemple, aux femmes honnêtes, qui ne demandaient au mariage que les gages de l'amour, et non le désordre des sens. Aux jeunes filles, qui une fois mariées ont su préférer la vertu au plaisir, qu'elles veillent sur leur jeunesse. Bien. Ensuite? Mon second trésor, c'est ma réputation. J'espère qu'elle sera remise intacte à la fille du temps et de la mémoire qu'on appelle vérité. Elle le sera. Il est étrange, votre testament. Il fait honneur à votre imagination. Et le troisième? Toute la sagesse qui vous habite ne sera pas de trop pour disposer de celui-là selon mon désir. Faites-moi confiance. Il y a longtemps que j'ai perdu mon cœur et que je vis sans lui. Sinon, c'est cela que je vous aurais donné d'abord. Mais à sa place, je vous lègue, princesse à qui je dois le service et l'attachement, un cœur qui m'est aujourd'hui plus cher que le mien. Et que les droits les plus sacrés, ceux de l'amour, ont disposé... Achevé. À votre service. Le cœur d'Itoclès. J'ai du mal à entendre. Le malheureux n'est plus que l'ombre de lui-même, depuis que son cœur est habité par vous. Dois-je continuer à vous écouter? Ce n'est pas lui, c'est moi qui vous supplie. Ne brisez pas son cœur comme le mien s'est brisé, sans avoir vu la lumière. Mon frère, je le sais, n'aura jamais d'autres paroles pour vous que celles dont peut témoigner l'obéissance d'un soldat. Mais il vous aime. Quel changement en moi a pu vous donner l'audace d'encourir mon déplaisir? N'est-il pas naturel qu'une mourante fasse quelque chose pour le bonheur de son frère? Sa vie et sa mort dépendent d'un mot de vous. Vous oubliez, Panté. Mon père vit. Oserais-je rappeler à votre Altesse que mon frère est l'auteur de tous mes maux et qu'il a fallu beaucoup de courage? Reconduisez madame chez elle. Je crois que mon silence vous dit assez ma réponse. Les choses ne vont pas comme je l'espérais. Je souhaite que tes résolutions ne soient pas les ennemies de ton repos. J'ai fait tort à Argel. Et combien plus encore à ma pauvre sœur. Aujourd'hui, je le regrette, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Le mal est fait. Je m'associe à Orgel, qui est un homme droit et honnête. Très honnête, bien sûr. Mais j'écoute ce que tu dis et je cherche à percer ce qui se passe dans ton âme. Ce n'est pas d'Orgel que je te parle, mais de la princesse. La princesse ? Oui, la princesse. Et le prince d'Argos. Je suis attendu chez elle. N'y va pas. Comment votre gracieuse Altesse entend justifier l'espérance qu'elle me laisse entrevoir. La faveur dont on m'assure que je suis l'objet, si elle m'en refuse le moindre signe. Ne pourrait-elle sacrifier un véritable anneau de fiançailles? La bague qu'elle porte au doigt? Je pense que c'est un jeu. L'amour aime le jeu, madame. On lui donne souvent l'apparence d'un enfant. Me refuserez-vous ce gage? Mon cher cousin, vous attachez de l'importance à une chose qui n'en a vraiment aucune pour moi. Ou si peu que je vous l'accorde bien volontiers. Le premier venu qui la ramassera croira faire un cadeau de prix à sa maîtresse. Et je ne suis même pas sûre qu'elle lui dira merci. La bague est à la princesse, c'est à nous de la ramasser. Vous êtes un insolent. C'est amusant. Vous avez cru que c'était moi, la maîtresse. C'est extraordinairement drôle. Vous laissez donc ce jeune homme jouir en paix de sa bonne fortune, prince. Il la mérite, puisqu'il l'a gagnée. Allez. Allons, prince. Sois un bon chien fidèle. Comment? Ne lâche pas ton maître d'une semelle. Mais je... Ou je te fais de nouveau sauter. Tu n'oserais pas! Tu n'es pas allé trop loin. Je ne suis pas de ces natures faciles qui vont dormir après un bon dîner et qui possèdent enfin dans le silence de leurs rêves ce que la vie leur refuse. L'argent, les titres, les honneurs, la faveur populaire, les femmes qu'ils n'auront jamais. Je ne me contente pas d'un bonheur rêvé. Je veux le vivre éveillé, le toucher. J'en étais à mendier le moindre encouragement qui donne un peu de prix à mon existence. Et il était sous mes yeux, mon oncle. Sous mes yeux. Elle me le tendait. Elle te le tendait, devant le prince. Elle a jeté la bague devant elle, et je l'ai ramassée. Ce n'est pas la même chose. Et elle a dit... Je me comprends. En tout cas, c'est le prince qui avait réclamé cet anneau. Tu ne t'es pas fait là un ami. Qu'il soit furieux, le prince. Serait-il capable de balayer d'un souffle le faquin qui lui lèche les bottes? Qu'il ne pourrait seulement frôler un de mes cheveux sans être lui-même foudroyé? Rappelle-toi qui tu es. Le moindre objet qui mérite un sourire de Kalanta dépasse en mérite et en noblesse tout ce que ce misérable argien peut rêver. Attention! Attention, général. Rappelle-toi Ixion, qui croyait tenir Junon dans ses bras. Il n'a caressé qu'un nuage et donné naissance qu'à des centaures. Je ne comprends pas vos allusions. J'ai peur. Que ton ambition ne caresse que le nuage de ta vanité et qu'elle enfante des monstres. Merci de la leçon. Mais répondez sincèrement. N'y aurait-il pas de l'ingratitude à rejeter une espérance si doucement offerte, qui me fait goûter à la fois le bonheur et la paix? La complaisance est mauvaise conseillère. Vous me bravez encore! Vous vous méprenez certainement, monseigneur. Hitoclès est de coutume un modèle d'urbanité, de courtoisie et de distinction. Qui lui a permis de traiter de roquet un officier du prince? Est-ce ainsi qu'on lui a appris à parler? Je vais t'apprendre, moi, à parler! Prenez garde! Vous avez affaire à un maître d'armes adroit et fort. Il n'entend pas la finesse et ne fait pas de manière. Je ne ferai pas de manière non plus. Allons, brisons-la, messieurs, c'est Hitoclès qui est là. Hitoclès le victorieux! Et moi! Savez-vous qui je suis? Heureusement pour vous. Si vous n'étiez le cousin de la princesse... Et du roi, s'il vous plaît. Qui est bien pour quelque chose aussi, peut-être, dans votre élévation démesurée. La beauté est plus proche de Dieu que la royauté. La prétention de ce singulier jeune homme fera faire à son loyalisme quelques faux pas. Mon petit monsieur, le chapeau du champignon ne se confond pas avec la cime du cèdre. Quelle misère de me laisser traiter ainsi. Qu'il revienne. Qu'il revienne me traiter de champignon. Je lui dirai, moi, que l'âne couronné, bariolé comme un blason, n'a pas peur d'approcher la mangeoire du lion quand celui-ci est enchaîné. Décidément, on aime les proverbes ici. Ta langue n'est pas ton ami, mon garçon. Mais je le comprends, le point d'honneur ne fait pas de mesure. Quand je pense qu'Amélos prétend que c'est pour une bague... Parfaitement, une bague que la princesse ait lancé en l'air et que j'ai ramassé. Suppose que ce soit à moi qu'elle ait lancé. Je mets au défi qui que ce soit de me la prendre. C'est lui qui m'a offensé. Tu n'es que le serviteur du roi. Ce que femme veut, Dieu veut. Il me semble. Tu devrais te raisonner. Cette passion te rendra fou. Tu as raison. On n'échappe pas à son destin. Thank you. allez, disposez tous les deux, je n'ai plus besoin de vous. Ne vous disputez pas, c'est tout ce que je vous demande. Et priez pour le pardon de mes péchés. Il nous l'a changé. Il a dû se faire couper pour calmer ses envies. Si j'ai été dur quelquefois avec vous, il faut me le pardonner. Je vais m'amender. Ces paroles sont de miel. Un puits de bonne volonté. Allez, ma grosse, mets-les sans rouspétance. Allez, pote, pote, vieille bulle que tu es. Manger, dormir, c'est tout ce qu'il leur faut. Ils ne pensent à rien. L'idée ne leur vient même pas de maudire leur sort. Quand on est doué de raison, capable de discerner dans la grisaille du monde ce qu'il y a de plus beau sur la terre, sur la mer et au ciel, le charme d'un corps et la pureté d'une âme, n'est-ce pas être plus bête que les bêtes de se rebeller contre tant de splendeur? Et moi, ne suis-je pas d'entre toutes les bêtes la plus bête? Moi qui régnais sur le trésor le plus rare, une beauté vertueuse, sans l'avoir traînée dans la poussière abjecte du scandale. Sacrilège. Je me ferai pardonner par tant de patience que nul orage désormais ne viendra troubler ma paix. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a moins d'ignominie dans le monde que dans ton corps sénile. Mais qu'est-ce que tu as fait de Panté? On te l'a rendu et ton gâtisme lubrique, ta jalousie démente l'ont rendu folle. Vous pouvez m'accabler. Tout ce que vous me dites, je me le suis dit. Mes résolutions sont prises. Mais il n'y a pas de remède au mal que tu as fait. Elle a perdu l'empire de la raison, elle qui était la raison même. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Elle est plus affreuse que je ne suis pas mort. Vous pouvez tout sur mon cœur, rien sur mon esprit. Cœur de pierre. Nous touchions au port et tu as tout détruit. Oh, je souhaite... Je souhaite que ton amour pour elle te laisse sans consolation et sans joie pour tout le reste de ta vie! Panté, regarde-moi. Tu ne reconnais pas ton frère? Regarde-moi. Pourquoi pleures-tu? Vous pouvez être fier de votre œuvre, Bassanèche! Tu vois, imbécile, comme c'est amusant? Hein? Mais tu ne ris pas? Tu ne trouves pas la plaisanterie assez forte? Pardon, mon amour. Je suis guéri de cette rage qui m'ôtait le sommeil. C'est sûr. Si nous étions des sirènes, nous ferions des chansons tristes. Et cela ferait une musique douce quand nous sonnons le glas les unes pour les autres. La tourterelle pleure quand elle perd son amant. On dit cependant que c'est lui qui doit partir le premier. Toujours. Il est merveilleux de mourir en rêve. Moi, j'ai dormi longtemps, les yeux ouverts. Il paraît qu'il n'y a pas de pire fausseté que de trahir la foi jurée. Vous voyez mes cheveux? Ce n'est plus ma tête qui les porte. Ce sont eux qui me tirent vers la tombe. Je devrais aller au cimetière en rampant. Et cela ne fait rien. Le trajet n'est pas long. Tu as encore beaucoup d'années devant toi. Tu es jeune. Mon Dieu, que le soleil s'obscurcisse avant que cette douce clarté s'éteigne. Puisque j'avais un mari, j'aurais dû avoir des enfants qui babillent autour de moi. Ils me sourient. Je pleure, je pleure. C'est comme ça la vie. Mon père m'avait trouvé un mari qui m'aurait fait de vrais enfants, pas des bâtards. Il est trop tard. Je ne peux plus me marier. Je ne peux plus avoir d'enfants. Mais ce n'est pas ma faute. Je brûle comme le ventre d'un volcan. Il coule du soufre dans mes veines. Oh, cesse tes grimaces. Puni comme il le mérite, l'auteur de ce crime. Prends ton poignard qui l'arrache de ton cœur, cette jalousie qui a fait tant de mal. Tes cris sont bouffants. Ne l'accable pas. Laissez, ces injures ne m'accablent pas. C'est folie de céder à la passion. Et que je meure s'il m'échappe un mot. Je suis un spectateur. N'ai-je pas aimé cet homme? Oui, malheureuse. Emma, je t'aime toujours, malgré tout ce qui est arrivé. Donnez-moi votre main. Vous ne voulez pas? Je ne lui ferai pas de mal. Prends mon cœur aussi. Elle est belle, cette main. À qui est-elle? Approchez votre oreille, monsieur. Savez-vous à qui je ressemble? Dites-le tout. Nous aurions été heureux. On dit que trop de bonheur fait perdre la tête. C'est ce qui est arrivé à mon frère. Oh, il a payé cher pour avoir ce qu'il voulait. Pour mon malheur, il s'est glissé dans le cœur de la princesse. Tu sais cela? On va se marier en blanc avec des voiles et des dentelles. Tu te souviens, la dernière fois que nous avons cueilli des roses au jardin, j'avais toute ma tête. C'est toi qui avais perdu la tienne. C'est toi. C'est toujours toi qui perds la tête. Folle. Qui dit des choses qui ne sont pas folles. J'y vois clair maintenant. Laisse-moi baiser ta main. Mon amour meurtri. Il faut que je me contienne. Baiser, jeune homme. Oh. Que ses lèvres sont froides. Pauvre. Vous n'avez jamais vu un cœur fendu? Le sang passe en petites gouttes à travers les fentes comme des améthystes. On dit que les jeunes mariés les accrochent à leurs oreilles. Que la paix soit sur toi dans le ciel. C'est là ta folie. Elle est prophétique. Oh. Cela fait combien de temps que vous êtes avec elle? Depuis 10 jours. Nous ne la quittons pratiquement pas. Quand s'est-elle mise à délirer? Dès qu'elle a quitté la princesse, elle ne dort plus. Elle ne dort plus, regardez-la. Elle est épuisée, mais elle ne dort pas, elle vous entend. Elle ne mange rien. Vous ne faites rien, vous! Que voulez-vous que je fasse? N'ayez pas peur. Un homme vieux, ça vit très bien. Ça meurt très bien. Je te jure. Et moi, je ne manque pas à mes serments, tu sais. Que si Bassanès avait joint nos mains de la façon que notre père voulait, avec l'homme que j'aimais dans le temps, ce Bassanès que j'aurais appelé mon père. Mais vous avez saccagé ma vie de femme à tous les deux. Quel père reste-t-il à l'épouse malheureuse qu'un frère rend veuve? Oh, la Marion, contre toute justice, un autre que son mari. Maintenant, pour tout le monde, Panté est une putain. Elle s'est vendue à un vieux pour de l'argent, puisqu'elle a accepté de souiller son ventre par une source honteuse. Qu'elle se punisse elle-même, qu'elle se laisse mourir. Elle ne doit plus manger. C'est juste. Ma pudeur à la fièvre, ma foi jurée, égorgée de pu. Oh, je me sens mal. Je vous demande pardon. Ne te laisse pas mourir. Tu n'es pas un monstre. Quelque chose, vous! Oui, j'y pense. J'y pense tellement que je ne sais plus où j'en suis. Il existe des moyens pour faire grossir les gens qui ne peuvent plus manger. Laissez-la se reposer. Je m'occupe de tout. Il me faut prendre les ordres du roi, je vais te quitter. Comment te sens-tu? Plus. Ce malheur me dépasse. Voilà l'autre furieux. Que faut-il faire? Doit-on faire un éclat ou l'exorciser? Je suis partisan de la douceur. Messieurs, le roi vient d'avoir une attaque. Calanta, un jour tu seras roi. Oui, tu seras mieux qu'une reine. Tu seras roi. Tu en es digne. Et tu en es capable. Hitoclès sera le fer de ta lance. Il est jeune. Vous serez glorieux ensemble. Père. Je ne sais rien. Il faut rester avec moi aussi longtemps que tu voudras, jusqu'à ce que j'aie appris. Je te connais. Père, puis-je demander quelque chose? C'est accordé d'avance. Puisque vous désirez de faire quelque chose pour ce jeune officier, laissez-moi le soin. Je voudrais l'attacher à ma personne. Je saurai le traiter selon son mérite. Et il restera à mon service exclusif, aussi longtemps qu'il s'en montrera digne. Tu es bien la fille selon notre cœur. Notre main dans la tienne, nous te confions Itoclès, avec son courage et sa fierté. Nous ne nous serions séparés de lui pour personne d'autre. Le veux-tu, Itoclès? Ce changement comble mes vœux, sire. Puisqu'il ne me sépare pas de vous. Ai-je tenu parole? Comme Dieu m'aime, madame. Sa Majesté a besoin de repos. Que chacun se retire. Passez une soirée heureuse. Nous nous sentons déjà beaucoup mieux. J'ai le cœur lourd. Je ne pouvais parler devant eux, mais vous me faites peur. Kalanta ne doit pas connaître la peur. Oui, je vais mourir. Personne ne peut plus me sauver, je le sais. Mais cela ne doit regarder que nous. Ne laisse pas le trône vacant. Une heure. C'est dans cette heure-là que tu gagneras. Ou que tu perdras tout. Je le sais. Les menaces se lèveront à la minute où vous disparaîtrez. Mais je ne suis pas prête. La fille d'Amyclas n'est pas prête. Après ce que je sais de toi. Après ce que j'ai vu de toi. Tu seras plus grande que moi. Prie Dieu qu'il me laisse le temps de t'instruire. Mais s'il m'arrivait malheur, règne avant que qui que ce soit ait parlé. Que la fortune te soit fidèle. Comme tu es fidèle à ta princesse. Tu peux vraiment remercier le ciel de couronner tes vœux, mais... Je t'en prie. Je t'en prie. Va voir Panté. Elle est très mal. Cœur, vous me quittez déjà. Je vais voir Panté. Elle est très mal. Revenez vite. Mon bonheur est avec vous. Que je t'accompagne. Pas le moins du monde. Ta sœur m'a pris mon ami, je t'offre la place. On a beau dire que le mariage ne change rien, on est moins libre quand on est deux à décider. Je suis flatté de cette faveur princière. Royale même, devrais-je dire. Pourquoi royale ? Eh, pourquoi pas royale ? La naissance s'est inclinée devant ta valeur, et voici maintenant que d'une flèche, le cœur de Calanta s'est ouvert. Tu crois ? Je suis connaisseur. On m'aimait aussi. Et, soit dit sans offense, mon mariage était aussi assuré qu'un mariage peut l'être. Et pourtant... Tu as raison. Je vais te prouver ma confiance en te confiant un secret. La princesse et moi, nous nous sommes fiancés. N'avais-je pas raison de dire faveur royale ? Mais la princesse est sage de te préférer. C'est toi maintenant qui maintiens la puissance et la sécurité du royaume. Tu en es le vrai maître. C'est surtout le bonheur que j'en attends. L'amour de Calanta pour moi, c'est le ciel. Vous aurez beaucoup d'enfants, des vassaux à genoux, et les cœurs de vos sujets vous feront un tapis. Veux-tu associer nos fortunes ? Le titre seul nous distinguera. Et le lit, bien sûr. Le lit. Que le ciel jaloux nous en garde jusqu'au jour où nous glisserons ensemble sous la terre, là même au lit. Nous serons égaux. La terre seule rappellera qui était le prince et qui était le sujet. Sanglots perdus, mort prochaine, amour n'est plus la plainte vaine, flambeau s'éteint d'une vie pure, comme d'éteint une écriture. Plus de chaleur, plus de lumière, l'amant a peur de sa prière, les rêves fous de la tendresse soulèvent de la promesse clame sans fin la fin du monde quand le destin tue à la ronde. Fini le sort de la martyre, son amour mort ne se depuis hier, elle ne pouvait plus se lever. C'est pour cela que je vous ai fait prévenir. Tout à l'heure, elle a demandé à Filet de chanter une chanson qu'elle aimait. Elle était revenue à elle? Oui. Elle a murmuré deux fois. Hitoclès a été bien dur avec le pauvre Orgel. Puis elle s'est éteinte. C'est ma faute. Laissez-nous. Et pour Dieu, ne dites à personne que Panté est morte avant que je ne vous aie revue. J'ai tué ma sœur. J'ai tué ma sœur. Te voilà pris au piège que je t'ai tendu, ce sera ton couronnement. Tu rêvais d'un trône et du lit d'une princesse. Alors que le malheur de Panté ne t'a jamais arraché un mort. Je n'ai vécu que pour ceci. Ceci, c'est ton destin. N'attends pas que je te supplie. Je n'aurai pas cet honneur. Je dirai à ta princesse que tu es mort avec courage. Si ça peut te consoler, je ne te survivrai pas longtemps. Panté me fait signe. Tu ne fais que me précéder. Je dédaigne. Demande pardon. Savez-vous garder un secret? Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Vous ne pouvez pas savoir de quelle importance il est pour vous. Il est écrit que vous serez mon fléau jusqu'à ma dernière heure. Peu importe, ce que je veux savoir, c'est si vous saurez le garder. Le secret? Un crâne enfoui depuis plus de 3 siècles n'est pas plus discret que moi quand je veux. Parfait, alors marchons. Allons à la fête. La fête? Mais quelle fête? Quand le roi se meurt? C'est le roi qu'il veut. Il y a bal pour le mariage de ma sœur. Je vous y invite. Je vous raconterai mon affaire en route. Je ne vois pas votre fils. Son Altesse se rappelle peut-être que le roi lui a confié le soin d'organiser le spectacle dont ce bal ne doit être que le prologue. Il m'en a touché deux mots. Est-ce là ce qui le retient quand je l'attends? Est-ce aussi lui qui retient mon attaché? Je crois qu'ils y jouent tous les deux un rôle. Tous les deux? Je le suppose, madame. Je ne vois pas Bassanès non plus. Est-il aussi de leur fête? Il a de graves soucis. Comment va Panté? Tristement. Je la verrai. Et Armostès? Il est près du roi, madame, pour y prendre ses ordres. Bien. Dansons! Prince, occupez-vous de la mariée. Je danse avec le garçon. Vient de mourir. Allons, musique! La seconde figure. Princesse, Panté est morte. Ce n'est pas le moment. Vous dansez très bien. Continuons. Héraclès a été assassiné. Animez cette musique! Mes cœurs en fête ont besoin de rythme vif! Que mes pieds battent aussi vite que mon cœur. Reprenons notre souffle. La danse nous a donné des couleurs. Vous avez un teint de fleurs. paraît content. Il me semble. Il me semble à moi que c'est une grande présomption de la part de sujets qui devraient respecter nos fêtes de les interrompre, au contraire, grossièrement. Personne n'oserait. Mais si. Ils ne sont pas maîtres de leur esprit chagrin. Quelqu'un vous aurait-il déplu? Ai-je rêvé qu'une voix suspecte me chuchotait que le roi était mort? C'est moi, madame. Le roi est mort dans mes bras. Mais avant de mourir, il m'a confié pour vous, en même temps que sa couronne, l'alliance de votre mère. La voici. Que la paix couronne les mânes de mon père. Je suis donc reine. Vive la reine! Vive la reine! Personne n'a-t-il vu Bassanès s'oublier jusqu'à me parler à l'oreille? Oserais-je répéter à votre majesté que Panthée, la pauvre folle, s'est laissée mourir de faim? Elle est heureuse, elle ne vous a plu. Mais quelque chose d'autre a frappé mon oreille. Suivez-moi. Je vous écoute. Un assassinat. On a assassiné Itoclès. Je devrais dire une boucherie. Si le courage du jeune chef n'avait ennobli sa faim. Qui est-ce? Moi. Mes raisons sont notoires et légitimes. Je me suis vengé. Mais je reconnais qu'il était digne de conduire un royaume. Il était ton ami. Vous avez pu l'assassiner. Notre premier acte de souveraine sera donc de rendre la justice. Votre acte vous dicte la sentence, Orgel. Tout ce que nous pouvons faire pour vous, c'est d'épargner à votre père et à votre sœur le spectacle de l'exécution. Je vous laisse le choix de votre mort. Mais faites vite. Prince, voulez-vous rester avec ces messieurs? Ne vous séparez pas. Que tout ne soit fini. Vos désirs sont des ordres. J'ai une prière à adresser à votre majesté. Une seule. Qu'elle m'épargne la main du bourreau. Ces messieurs décideront. Aussi bien les morts ne font pas revenir les morts. Et nous devons tous partir un jour ou l'autre. Ne perdons plus de temps. Nous allons nous recueillir pour notre couronnement. Qu'avez-vous décidé? M'ouvrir les veines. Vous-même? J'aurais peut-être besoin qu'on m'aide pour le second bras. Je vous aiderai. Voilà de l'amitié désintéressée. C'est un service que je ne pourrai jamais vous rendre, messieurs. C'est étrange. Je me sens calme. Une plus longue habitude du crime m'aurait donné sans doute le réflexe de fuir, mais j'ai choisi la vérité. Ne me méprisez pas. Le jour où Bassanès a épousé Panté, la fortune m'a trahi et ne m'est jamais revenue. Vous allez voir que je sais faire une saignée. Je n'ai pas besoin de chirurgien. Vous êtes courageux, jusque dans le désespoir. Non. Je réhabilite mon crime. Je m'honore de ne faire supporter aux autres que ce que je suis capable de supporter moi-même. Serrez bien le fourreau. Je vais opérer l'autre veine. La lumière du soleil s'efface. Dans une ombre sans fin. Viens, froid qui me serre le cœur. Glace qui ne fondra plus. Thank you. Remercions Dieu de sa bonté, messieurs. Vous êtes ici pour jurer obéissance à votre souveraine légitime. Mais nous savons, sans qu'il soit besoin de nous le rappeler, combien il est difficile aux hommes énergiques et rudes que vous êtes de vous incliner devant la volonté d'une femme. Vous n'avez eu affaire jusqu'ici qu'à des hommes de caractère. Et une femme est toujours plus ou moins encombrée de passions, de contradictions, d'incertitudes. Nous sommes un peuple d'hommes, une nation de guerriers dont les affaires politiques s'accommodent mal d'une autorité féminine. Aussi, désirons-nous vous consulter sur le choix d'un époux capable de porter ce sceptre avec nous et de tenir les rênes du royaume. Votre Majesté n'a qu'à vouloir. Nous avons été le témoin de sa fermeté. Elle sera obéie. Le choix de votre Majesté, guidé par un si grand courage, sera celui du peuple. Il sera sa grandeur et sa félicité. Votre avis, Bassanès? Moi, madame, je suis un vieux fou, miné par l'âge et le chagrin. Mon cousin d'Argos. Madame. Si nous choisissons de vous prendre pour époux, nous y mettrons des conditions. Elles sont acceptées d'avance, madame. Nous entendons que Sparte soit maintenue dans ses frontières, sans abandon ni annexion d'aucune sorte. Vous en serez le souverain. Il serait donc souhaitable qu'Armostès devienne le vice-roi d'Argos. Il y représentera la couronne. Nous entendons que Mécène soit conservé. Ménon en sera le gouverneur. Quant à Bassanès... Moi, madame, à quoi suis-je bon? Il ne faut pas laisser périr par le chagrin des hommes qui nous ont bien servis et peuvent encore servir l'État. Qu'il soit votre intendant. Les grands emplois sont propres à faire oublier les peines privées. Pour ces deux gentilshommes, vous leur donnerez le rang et les pensions de gentilshommes de la chambre. Il nous semble que Christalla fera une bonne épouse pour Aymon. Et nous croyons savoir que Philée désire se consacrer à Dieu dans le temple d'Hestia. Vous serez obéi. Ce n'est plus un contrat de mariage, c'est un testament. Nous voulons enfin que notre chère Alcibiade soit revêtue de tous les ordres, grades, titres et dignités dont a trop peu de temps joui celui qui était son meilleur ami, qui était en même temps notre époux et de qui nous avons eu si peu de soin. Quel est donc cet époux, madame, dont vous avez pris si peu de soin? Pardonnez-moi, prince. C'est maintenant vers toi que je me tourne, ombre chère de celui qui m'avait été donné. Que l'assistance soit le témoin de notre union. La dernière volonté du roi, notre père, a été que la bague de notre mère soit remise à notre époux. C'est chose faite. Nous voici mariés à celui seul de qui nous étions la femme. La mort même ne peut briser nos liens. Messieurs, nous avons paru insensibles aux coups qui nous assaillaient lorsque la mort, à coups répétés, frappait à notre porte. Nous n'avons pas interrompu le bal qui marquait les noces de notre chère Fanny. Il était une fête de la vie. Les nouveaux mariés n'avaient pas à supporter les maux de leur souveraine. Nous avons joué cette comédie. Mais dès cet instant, le cœur était touché. Laissant aux femmes communes les larmes et les cris qui soulagent, qui consolent et préservent l'espérance de nouveaux bonheurs, le cœur d'une reine se brise en silence. Laissez-nous sourire à la mort. Les honneurs et les plaisirs, le pouvoir et le désir, peuvent-ils combler une âme qui n'a plus ni la paix ni l'amour? Qui se fane dans les pleurs, comme la beauté s'effeuille, la jeunesse a déjà une fin. Elle se lève un matin.